À demain. À demain. Le 26 octobre dernier, une vente aux enchères chez Christie's faisait beaucoup de bruit et pour cause. La première œuvre d'art créée par une intelligence artificielle, le portrait d'Edmond de Bellamy, y était vendue à un prix 40 fois supérieur à son estimation, soit plus de 430 000 dollars. C'est un premier et important pavé dans la mare de l'art généré par ordinateur quelques années après la sortie d'un album composé par Emily Howell, en 2010, une intelligence artificielle également, et au moment où sort en librairie One the Road, un roman, faut-il dire un long poème en prose, écrit par une voiture dotée d'une IA, hein, à la manière de Jack Kerouac et son Sur la route. Art et IA, ceci n'est pas un beat, c'est le problème créatif qui va nous occuper dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour évoquer ces questions, nos deux interlocuteurs bien humains pour le moment et jusqu'à preuve du contraire sont aujourd'hui Béatrice Voyeux-Prunel. Bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes maîtresse de conférence en histoire de l'art contemporain à l'École normale supérieure. Nous devrions être rejoints dans les secondes qui viennent par David Derimet, qui est fondateur de Jean Boite Éditions, qui publie le livre dont je viens de parler, One the Road, qui a été écrit donc par une intelligence artificielle supervisée ou créée par le hacker, artiste et activiste Ross Goodwin. Vous pouvez nous suivre comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en différé via franceculture.fr, en podcast comme toujours, suivant l'appli qui est la plus chère à votre cœur. Et surtout aujourd'hui, ça va être important via notre fil Twitter, @lamethodefc, puisque nous allons poster un certain nombre d'images, de tableaux, d'œuvres d'art générées par ces intelligences artificielles. Donc, je dois dire qu'aujourd'hui, plus que n'importe quel autre jour, ce fil Twitter de la méthode scientifique va venir compléter intelligemment et de façon importante, en tout cas, le fil de notre discussion au micro. Voilà, ceci étant dit, on parle donc aujourd'hui de l'intelligence artificielle, à savoir du machine learning ou du deep learning, des réseaux neuronaux pour créer des œuvres d'art en quasi-autonomie. On interrogera bien sûr cette notion d'autonomie dans la création artistique, mais l'art robotique, l'art cybernétique ou informatique ne date évidemment pas d'aujourd'hui. Déjà en 1959, l'artiste Nicolas Schoeffer crée une sorte de robot artiste appelé CISP. Écoutez cette archive de 1959. Nicolas Schoeffer est le créateur de CISP. Cet étrange prénom est l'abréviation de cybernétique spatio-dynamique. CISP est un robot cybernétique qui va, vient, s'arrête, suivant son humeur, ou les bruits, ou la lumière perçue par ses sens délicats. Mais CISP est également un artiste. Traversé par des rayons lumineux, il fait naître des formes et des couleurs, en un étrange cinéma abstrait, évocateur de milliers de tableaux colorés. Et c'est un artiste qui a réussi, car il est entré au musée d'art moderne. Il faut encore préciser que la dimension de ces projections est illimitée et qu'on peut les envoyer sur n'importe quelle surface. Sur les nuages, par exemple, ou la cime du Mont Blanc, ou encore, tout simplement, sur les chutes du Niagara. On voit que CISP ne manque pas d'avenir. Voilà cette archive, cette petite vidéo dont on va vous mettre le lien sur notre fil Twitter de CISP, CISP 1 exactement, ce projet de l'artiste Nicolas Schoeffer. Peut-être un mot de réaction. Est-ce que vous connaissiez cette initiative de Nicolas Schoeffer, Béatrice Joyeux-Prunel? Oui. Bien sûr, ça fait partie du canon maintenant de l'histoire de l'art. L'histoire de l'art cinétique, optique et même de l'art, entre guillemets, déjà informatique. Cela dit, Nicolas Schoeffer n'est pas seul à cette époque. Il y a beaucoup d'autres ingénieurs qui travaillent avec des artistes. On connaît pas mal Billy Cluver, par exemple, qui a travaillé notamment avec Bob Rauschenberg aux États-Unis. Et puis, il y a aussi des artistes qui s'amusaient avec des moteurs pour faire des œuvres automatisées, comme Jean Tinguely avec ses métamatiques, qui peignaient des œuvres toutes seules, qu'on a vues. D'ailleurs, on en a vu un à l'exposition Artir de ses robots au Grand Palais il y a quelques mois. Qui s'est terminé au mois de juillet dernier. Peut-être un mot, je salue David Derrimet qui nous a rejoint. Bienvenue à vous. Merci. Peut-être un mot, parce que ce qui est intéressant dans CISP, ou en tout cas dans ces balbutiements, ou dans ce début en tout cas de l'utilisation de la robotique, de l'informatique pour la création artistique, c'est qu'au départ, ces robots sont plus un objet, une nouvelle matière à sculpter en quelque sorte, plus que des agents opérants en fait. Tout à fait. Et d'ailleurs, on se demande encore aujourd'hui si ce n'est pas toujours le cas en réalité. Sont-ils des agents opérants ou sont-ils toujours dans le prolongement de cette fonction que vous évoquez? Est-ce que c'est un débat que l'on peut trancher déjà aujourd'hui? Parce que on va voir aujourd'hui, et on va en discuter dans quelques minutes, que l'intelligence artificielle, le deep learning, pose la question de l'appartenance, de la créativité. Qu'est-ce que la créativité? Est-ce qu'il faut parler d'imagination artificielle, Béatrice Joué-Prunel? Le débat n'est pas nécessairement tranché. En tout cas, ça dépend du plan sur lequel on veut se situer. Vous le dites vous-même, la question centrale, c'est qu'est-ce que c'est que l'art? Qu'est-ce que c'est que la créativité? Et cette définition elle-même, elle a une histoire, elle a évolué. Si on pense que l'art, c'est ce qui est fait de main d'homme, ou de femme d'ailleurs, si je puis me permettre, bien sûr. Dans ce cas-là, effectivement, on est sorti de l'art. Et la créativité de ces intelligence artificielle, on pourrait dire plutôt des imaginations artificielles, ce serait une créativité qui nous échappe. Mais évidemment, l'art, ça ne se réduit pas à ça et on sait maintenant que ça peut être complètement autre chose. Et depuis au minimum les années 50-60 et en fait depuis l'invention du ready-made, l'art, c'est quelque chose de beaucoup plus intellectuel. Hein, on a un héritage qui est celui du Duchamp, du modernisme. L'art, c'est ce qui est décidé par l'artiste. L'artiste a une espèce de souveraineté à laquelle, à mon avis, il n'est pas prêt de renoncer. Un mot peut-être sur cette notion de créativité. Est-ce qu'il faut réserver la créativité à l'être humain? Est-ce qu'on peut dire d'une machine qu'elle est créative? À ce stade, David Derrimet. Mon sentiment, c'est que c'est encore très compliqué de distinguer la machine de l'humain, parce que si élaborée soit-elle, et que dans la mesure où nous avons besoin qu'elle énonce quelque chose que nous pouvons entendre, c'est-à-dire que la machine s'adresse aussi à l'homme, ce qu'elle connaît du monde et ce qu'elle utilise pour, si intelligente soit-elle, pour produire ce contenu, est toujours fourni par l'humain. Donc, la matière première de la machine, celle à partir de laquelle elle va pouvoir éventuellement produire un contenu inattendu et original, c'est toujours une matière première humaine. On en est encore là. Quand on écoute Jean-Gabriel Ganassia, qui est venu grand spécialiste de l'intelligence artificielle, qui est venu de nombreuses fois à ce micro, il définit la créativité comme toute imagination est vue, explique-t-il, comme la recombinaison d'éléments de mémoire préexistants. C'est-à-dire que l'imagination humaine, voilà une tentative de définition. Or, que fait un ordinateur si ce n'est recombiner des éléments de mémoire que l'on lui donne exactement? Tout à fait. Si je prends l'exemple très rapide du livre que nous avons publié, qui est écrit par une machine, par une intelligence artificielle, cette machine ne peut écrire que dans la mesure où l'auteur de la machine lui-même lui a fourni comme connaissance du monde un corpus de texte. En l'occurrence, un corpus de romans et de poésie à partir de laquelle elle connaît le monde et elle connaît aussi notre façon de l'énoncer. C'est-à-dire qu'elle peut former des phrases cohérentes. Mais elle ne connaît que ça. On y reviendra à ce livre précisément. Mmh. Mais parce que du coup, sa connaissance du monde, on l'oriente énormément en ne lui donnant qu'un certain corpus. Et ça va être le cas pour la plupart, Béatrice Joyeux-Prunel, des intelligences artificielles que l'on veut dire créatrices. On l'oriente, on lui donne un corpus très précis et je ne suis pas d'accord avec Jean-Gabriel Ganassia quand il dit c'est une mémoire, ce n'est pas une mémoire. Qu'est-ce qu'une mémoire? Une mémoire implique un affect, implique une culture. Il parlait de la créativité humaine, de l'imagination humaine, il ne l'appliquait pas aux machines. Pardon, alors. D'accord, mais pour les machines, il s'agit de corpora, pour le dire au pluriel, donc des données en fait, des données qu'on utilise depuis très longtemps, on fait des statistiques depuis longtemps et avec ces statistiques on arrive à prédire d'autres choses et c'est exactement ce que fait une intelligence artificielle finalement, on n'a rien inventé nouveau. L'analogie que fait Jean-Gabriel Ganassia notamment, c'est de dire par exemple, l'être humain fait preuve de créativité lorsque sur un itinéraire habituel qui se retrouve bloqué, il est obligé de changer de route, c'est exactement ce que l'on demande aujourd'hui à des applications de cartographie, de GPS en temps réel finalement, et c'est aussi faire d'une certaine manière étendre la notion de créativité, qu'en pensez-vous? David Tout Delmet. À fait. Et pour reprendre ça, effectivement, là où on sort un tout petit peu du modèle statistique quand même, c'est que avec les réseaux de neurones artificiels, qui sont un petit peu l'étape d'après l'intelligence artificielle, la machine en capacité d'apprendre au-delà de son code initial est aussi en capacité de nous surprendre, c'est-à-dire de produire ou de donner un résultat, un contenu si on parlait d'art, mais un résultat si on parle de cartographie, qui n'est pas prévu par qui que ce soit, mais qui elle a, dont elle a été finalement l'artisan, sans que le code initial ne puisse le prévoir réellement. Ça, c'est quand même aussi une bascule très récente, très forte, qui nous fait basculer dans un autre, dans une autre dimension. Béatrice Joly-Prunel, sur cette notion de créativité très étendue, finalement, est-ce que changer d'itinéraire, ça n'est pas déjà une forme de créativité? Si, tout à fait. D'ailleurs, historiquement, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'histoire des avant-gardes. Les avant-gardes, elles ont réagi de manière même quasiment systématique à ce à quoi elles s'opposaient. Les fauves se sont opposés à l'impressionnisme, les cubistes sont allés contre le fauvisme, et on peut retrouver à chaque fois des réactions un peu systématiques, un peu structurelles même, qu'on aurait pu prévoir en fait. Sauf que bon, on le dit après coup. Il y a une sorte de test de Turing artistique qui a été créé en 2014, Lovelace 2.0. Est-ce que vous pouvez nous expliquer peut-être en quelques mots en quoi ça consiste? C'est une sorte de test qui consiste à proposer à une art, à donner en fait des thèmes à une machine et à de lui proposer à partir de ces thèmes sans aucune aide extérieure de réaliser une œuvre. Pour le moment, tout le monde y a échoué. Ça veut dire que encore une fois, peut-être qu'on galvaude un peu l'idée d'une créativité qui serait strictement numérique, Béatrice Joly-Prunel. On a besoin d'accompagner encore, de donner à nourrir, de faire du machine learning et de ne pas attendre de la machine qu'elle soit elle-même vectrice de création ex nihilo. C'est le cas déjà pour d'autres types d'inventions par la machine. C'est assez peu surprenant, on pourrait dire. Et je suis pas certaine qu'on ait besoin de ce genre de test pour être surpris par une machine ou pour se laisser même séduire par les œuvres qu'elle réalise. Je ne sais pas ce que vous en pensez, David. Si, d'autant que la dimension de surprise dépend beaucoup de ce qu'on présuppose même être une surprise. C'est-à-dire que quand on essaye de piéger la machine, en fait, on attend quelque chose. En réalité, quand ça tombe à côté, c'est encore une surprise. Donc, il y a un vrai problème pour aller chercher la machine sur des endroits de surprise qui sont en fait nos propres projections à cet endroit-là. La question que je pose, c'est que sur ce test Lovelace 2.0, qui consiste donc, j'ai retrouvé mes notes, à demander à un programme de créer une œuvre, quelle qu'elle soit, peinture, poésie, architecture, en lui imposant un thème non défini à l'avance, ce serait comme demander à quelqu'un dont on a effacé la mémoire d'un seul coup de produire quelque chose. Est-ce que c'est pas un peu un jeu de dupe en fait pour une machine qui apprend et qui finalement, quand on lui apprend, on lui donne un bagage mémoriel, si vous voulez, au même titre que n'importe quel être humain, un bagage mémoriel certainement plus complexe, mais tout de même un bagage mémoriel, Béatrice Joly-Prunel. À la fois oui, c'est un jeu de dupe de mettre la machine à zéro, et non au sens où historiquement on a entre guillemets l'histoire, c'est un les artistes, les critiques se sont intéressés à des personnes qui n'avaient pas de mémoire, à des fous, à des enfants entre guillemets, même des vrais enfants qui créaient pourtant et faisaient des choses qui touchent encore. L'art brut en fait partie, par exemple. Donc à ce moment-là, pourquoi ne pas comparer ce que ferait Lovelace 2.0 à ce que font des enfants ou des fous. Je ne sais pas si ça en vaut vraiment la chandelle. À mon avis, il faut se situer sur d'autres plans. David Derimet ? Oui, tout à fait. D'ailleurs, l'analogie avec l'enfant, c'est ce qu'on demande à un bébé de nous surprendre en produisant une création originale. Si c'est le nôtre, on sera ébahi de n'importe quelle production. C'est effectivement une question qui, à mon avis, effectivement, nous emmène pas forcément dans une direction intéressante. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de l'imagination artificielle, de l'intelligence artificielle artiste ou de ces façons d'utiliser la machine, les algorithmes pour créer du contenu artistique. Nous en parlons avec Béatrice Joly-Prunel, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain, avec David Derimet, qui est fondateur de la maison d'édition Jean Boite Édition et qui publie donc le premier roman écrit par une IA, Wanderode. On va y revenir évidemment dans quelques minutes. J'aimerais avant cela peut-être qu'on dise un mot sur ce portrait d'Edmond de Bellamy qui a été vendu 432 000 dollars chez Christie's. Donc première œuvre de peinture produite par une intelligence artificielle, par un algorithme exactement, GAN pour Generative Adversarial Network. Qu'est-ce que ça vous évoque cette vente, David Derimet? C'est très compliqué parce que on est en même temps devant un phénomène qui, comment dire, qui cristallise l'attention et en même temps derrière des mécanismes du marché de l'art qui, eux aussi, ont tendance à cristalliser l'attention pour des bonnes et des mauvaises raisons. C'est pas à nous de l'établir. Du coup, là, moi, je vois la confrontation pleine d'étincelles des deux qui produit un phénomène très intéressant qui nous permet de focaliser, en tout cas, de porter notre attention sur ces questions. Je pense que ce sont des questions extrêmement intéressantes, extrêmement pertinentes sur la qualité de l'œuvre ou l'importance que l'on donne à ce phénomène, là je serais plus réservé. Béatrice Jouet-Prunel. Moi je trouve très intéressant qu'il s'agisse d'un portrait de femme. Est-ce que c'est un portrait de femme? Parce que moi je veux plutôt monde. Voir. Ah, oui. Non mais le titre est toujours c'est... révélateur. Non c'est Edmond II. Ah Edmond II. C'est Edmond pardon. II, c'est plutôt un portrait d'homme. Ah, Edmond II, oui. Bellamy, Edmond pas II, Edmond Bellamy. II. D'accord. Oui, non. Mais oui. Pour que ce soit un portrait aussi, c'est intéressant. Pourquoi se sent-on obligé de faire une œuvre qui serait représentative? Pareil. Alors que, avec une machine, on peut faire de l'abstraction très facilement. Et on revient aussi à cette vieille peinture beaux-arts, finalement figurative, dont l'histoire de l'art était sortie depuis si longtemps. Par ailleurs, pour aller dans votre sens, en fait, Edmond II Bellamy, donc c'est celui qui a été vendu chez Christie's, mais cet algorithme GAN a produit en fait toute une famille qui s'appelle la famille de Bellamy, en hommage à Ian Goodfellow, qui est le créateur, donc Goodfellow Bellamy, hein, c'est une traduction littérale, qui est le créateur de cet algorithme GAN pour Generative Adversarial Networks. Est-ce que vous avez suivi un peu ce que c'est cet algorithme et comment il travaille, ce qu'on appelle la notion de réseau contradictoire? David Derrimet. Oui, tout à fait. Alors, en fait, cet algorithme est aujourd'hui comme une sorte d'outil ou de boîte à outils dont se servent quasiment tous les gens qui cherchent à produire de la création à travers des réseaux de neurones artificiels. C'est-à-dire qu'en réalité, des gens capables de produire les langages et les codes qui vont servir ensuite, ils sont très peu, hein, et ils sont moins de 100 dans le monde, ceux qui peuvent écrire vraiment un code à partir de rien du tout. Donc ce GAN, ici a servi à faire cette œuvre, il a été réutilisé, samplé, mixé par ceux qui ont fait l'œuvre, mais en réalité il est réutilisé et mixé par des milliers de personnes à travers le monde, qui sont d'autres créateurs de création artificielle. Ce qui est intéressant, c'est que effectivement, donc c'est Ian Goodfellow qui est l'auteur de cet algorithme, co-auteur avec un artiste Robbie Barat, qui est un jeune artiste numérique, hein, tout jeune puisqu'il a 19 ans et qui a d'ailleurs suscité une légère controverse après la vente chez Christie's en disant c'est tout de même incroyable que ce tableau qui a été vendu donc plus de 430 000 $ ressemble exactement, puisque c'est moi qui ai créé l'algorithme, finalement, à mes créations numériques. Et donc se pose finalement la question de l'appropriation d'une œuvre qui est pourtant une œuvre créée par une intelligence artificielle. Ça veut dire qu'on n'en a pas encore complètement fini finalement avec l'humain, Béatrice Jouet-Prunel. Non, on n'a pas fini. Et en même temps, ça pose aussi la question du partage dans le numérique. Beaucoup de ces développeurs ont embrassé l'idée, qui est une belle idée, hein, et qui était aussi une idéologie assumée comme telle, du partage, hein, de l'open, open access, open data, open code, etc. Et quand tout d'un coup, cela génère de l'argent, c'est vrai que là, ils se disent peut-être que j'aurais pas dû. Donc peut-être que ça va au-delà, hein, de la question de la propriété artistique, où ça pose très généralement la question de ce que deviennent tous ces algorithmes développés gratuitement par beaucoup, et qui vont être récupérés, voilà, qui sont en open source et qui vont être ensuite récupérés par certains. Alors en l'occurrence, c'est Ian Goodfellow qui a récupéré le groupe français Obvious, peut-être vous pouvez nous en dire un mot, c'est un groupe de trois Français qui ont réutilisé cet algorithme en le changeant très très peu finalement. Exactement, c'est tout le principe de l'utilisation de ces algorithmes, c'est de les utiliser, de les réexploiter, mais en réalité on y ajoute très peu de choses. De la même façon, et vous l'évoquiez sur la question de la créativité issue de la mémoire, et ça aussi c'est très intéressant, c'est qu'est-ce qu'on lui donne à manger ensuite, en fait assez rarement ses propres œuvres, puisque d'abord on n'en produirait jamais assez pour que ce soit pertinent pour un algorithme, donc il en faut beaucoup plus, et après, à partir d'un moment de bascule où il y a une vraie pénétration dans le monde réel, ici une vente chez Christie's qui génère quand même un volume d'argent important. Et beaucoup de bruit médiatique par ailleurs. Là on se retourne vers la source et on se dit mais alors finalement les morceaux d'algorithme plus les morceaux de mémoire entre guillemets qui ont servi à la création de l'œuvre, à qui sont-ils, à qui appartiennent-ils et quelle est la valeur de l'auteur dans cette histoire? C'est là qu'en effet le phénomène est intéressant plus que l'œuvre elle-même bien sûr. Je vais raconter rapidement et je vais essayer de décrire ça du mieux possible pour les auditeurs un peu la manière dont fonctionne cet algorithme parce que je trouve ça particulièrement intéressant. et de le comparer au reste de ce qu'on attend aujourd'hui de l'intelligence artificielle, qui ressemble souvent à la manière d'eux. C'est-à-dire qu'on s'émerveille quand une intelligence artificielle produit une œuvre qui ressemble à du Rembrandt, à du Picasso, à du Van Gogh. On en a vu un certain nombre circuler sur les réseaux sociaux. Mais là, cet algorithme GAN, donc, c'est un algorithme dit de réseau contradictoire. Alors, comment ça se passe? C'est-à-dire qu'en fait, c'est une sorte d'algorithme qui joue contre lui-même. Il y a il y a une compétition entre deux joueurs. C'est inspiré de la théorie du jeu. Il y a un joueur qui est le générateur, qui a pour objectif de fabriquer un faux. Et il y a un autre joueur qui est le discriminateur et qui va recevoir ce faux et dire est-ce que c'est un vrai oui ou non, en sachant que le joueur au début n'a aucune idée de ce à quoi ressemble un tableau par exemple. Et donc voilà, c'est un dialogue entre ces deux entités, le joueur et le discriminateur, jusqu'à ce que le discriminateur dise cette fois-ci c'est un vrai, et donc en fait l'algorithme réussisse à se tromper lui-même. La base donc du générateur pour le portrait d'Edmond Bellamy, c'est 15 000 œuvres peintes entre le 14e et le 20e siècle, et donc il produit voilà des images, et à chaque fois il essaye de se tromper lui-même, de tromper cette autre entité à l'intérieur de l'algorithme qui est le discriminateur. Peut-être vous pouvez nous dire un mot, David Derrimet, de ce fonctionnement-là, de cette simili-pensée contradictoire introduite à l'intérieur d'une machine. C'est tout de même une démarche qui me paraît assez passionnante. La démarche est passionnante, et je retiens aussi de l'histoire courte que vous avez parfaitement énoncée, qu'il y a besoin d'une masse de données considérable. C'est-à-dire 15 000 œuvres produites, donc là on imagine bien qu'on ne peut pas être le seul auteur de ces 15 000 œuvres, donc ils vont puiser dans une sorte, je le dis mal, mais de mémoire universelle, qui doit elle ensuite servir à produire une sorte de substrat de toutes ces choses-là. Ce qui est intéressant ici, alors effectivement l'algorithme fonctionne comme ça, plus un certain nombre de réglages fins, et c'est là que le développeur final peut intervenir, puisque lui aussi intervient sur une quantité de réglages supplémentaires qu'il peut ajouter au code, et à partir de là, s'attribuer la paternité du résultat. Dans le fond, ce que je retiens quand même et qui est très très intéressant, c'est qu'on est obligé d'aller puiser dans une mémoire collective commune qui a été numérisée. Ça, c'est quand même pas non plus quelque chose de tout à fait négligeable. C'est-à-dire qu'il faut digitaliser, il faut il y a énormément de travail, et puis il faut passer d'un monde analogique à un monde numérique. C'est-à-dire, il faut quand même transformer toutes ces données que sont les peintures en des données que l'ordinateur comprend. Et en même temps, au passage, il y a de la perte. C'est-à-dire que la matière, le volume, sont des choses aussi qui sont un petit peu aplaties dans ce processus et qui colorent considérablement le résultat. Résultat qui est quand même avant tout le produit d'une histoire humaine assez longue. En plus, en l'occurrence, sur plusieurs siècles. En général, sur la matière, maintenant, c'est biaisé par le fait que les peintures sont rendues en impression 3D, donc avec des très fines surcouches et donc avec un peu de matière, contrairement à juste de la pure production d'images. Un mot, Béatrice Joyeux-Prunel, justement sur la structure de cet algorithme GAN, sur le fait que finalement on simule une sorte de débat contradictoire intérieur qui pourrait être le débat contradictoire à l'artiste si on extrapole un petit peu. On connaît mal les débats contradictoires des artistes. Alors parfois, on les a dans les correspondances, dans les journaux intimes. Et c'est vrai, moi, par exemple, je penserais à une correspondance assez ancienne, entre guillemets, par rapport à aujourd'hui, celle de Derain et Vlaminck, qui ont passé 3 ans à galérer réellement pour se dire mais comment va-t-on innover ? Et on voit qu'ils se disent, est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait de la matière ? Est-ce qu'on fait de la couleur ? Est-ce qu'on passe plutôt à la gravure ? Et on voit ce débat contradictoire. Après, je saurais pas dire si c'est exactement ce qui se passe dans la, entre guillemets, tête de la algorithme, mais on peut se dire effectivement que ça ressemblerait à la manière dont un artiste fonctionne quand il travaille, puisque effectivement il se compare aussi, il se compare avant tout à d'autres. David Derrimet, oui. Bah, en tout cas, les outils que l'on utilise là pour l'évoquer, les outils par exemple qui consistent à dire débat contradictoire, sont vraiment aussi des abus de langage de notre part. En réalité, il est bien sûr hors de question pour la machine de s'imaginer en train de débattre ou de poser une contradiction contre une évidence pour arriver à un résultat. Donc ça aussi, c'est très intéressant de voir qu'on ne cesse de projeter, encore une fois, des sensations qui sont les nôtres. De l'anthropomorphisme sur la machine. Totalement. C'est classique sur l'intelligence artificielle. Peut-être que, en dehors de ces à la manière d'eux, il y a beaucoup d'artistes qui se servent de l'intelligence artificielle comme base pour leur propre travail, qui ne demandent pas juste à l'intelligence artificielle de créer une œuvre percée, mais qui utilisent finalement ces œuvres créées par l'IA comme matériaux pour les enrichir et pour en faire du matériau brut pour leur propre art. Bonjour Tamim Denstock. Bonjour Nicolas Martin, bonjour à tous. Vous êtes rendu au 6B, qui est un lieu de création en Seine-Saint-Denis, où l'intelligence artificielle donc a trouvé une place dans un atelier. Oui, cet atelier, c'est celui de Grégory Chatonsky, qui est à la fois artiste et chercheur. Parmi ses créations en cours, on trouve les os de bêtes imaginaires, construits par des réseaux de neurones récursifs, nourris par des images d'ossements humains, animaux et fossiles récoltés sur Internet. À travers l'intelligence artificielle et autres chaînes de Markov, il donne aux machines l'occasion de composer des morceaux de musique et d'écrire des poèmes en leur prêtant un imaginaire. On est dans mon atelier, c'est-à-dire l'endroit où je travaille et où je fais, je dirais, les choses sales. Parce que comme je travaille sur ordinateur, j'ai une caractéristique, je travaille sur ordinateur qui accepte très mal la poussière. Et en même temps, j'aime bien la poussière parce que je fais de la sculpture, de l'installation, des choses très matérielles. Je fais les deux, ce qui est assez particulier. Donc là, c'est mon espace sale, je dirais. Qu'est-ce qu'on y trouve dans cet espace sale ? On y trouve ma réserve de matériel, on y trouve une imprimante 3D, une grosse Delta qui fait environ 2 mètres de haut, qui me permettent d'imprimer des gros volumes et de la céramique aussi. Et puis on a une table avec un traceur, et puis je sais pas, une dizaine de sculptures, qui sont des sculptures qui ont été donc imprimées. On a une espèce d'organisme qui ressemble à l'intérieur du sexe d'une femme, je pense. On a un organisme qui ressemble à un trident ou à un corail. On a un poulet complètement dégénéré et qui est gris. Et on a effectivement une espèce de fémur, peut-être d'un dinosaure, depuis longtemps disparu, mais qui est extrêmement lisse. Et à travers, via quelle machine est-ce qu'ils ont pris cette forme particulière ? Une imprimante 3D, très grande. À la base, c'est un projet qui s'appelle Ossuaire. J'ai nourri un réseau récursif de neurones de plein de fichiers 3D que j'ai trouvés sur Internet, d'ossements humains, animaux, d'espèces fossiles. Et la machine a généré des ossements d'espèces qui n'existent pas, que j'ai imprimés ensuite, et ensuite que je retravaille, que je recouvre de peinture, etc. Quelle variable prend en compte la machine pour créer des ossements qui n'existent pas ? Quelle part de liberté, finalement, est-ce que vous leur laissez ? La part de liberté des réseaux récursifs de neurones, c'est le bruit. On rajoute au système statistique, qui fait juste une moyenne vectorielle de tous ces fichiers, le bruit qui va créer quelque chose de ressemblant, qu'on reconnaît comme un ossement, mais de différent de tout ce qui existe. Donc la machine est très réactionnaire, elle répète ce qu'elle connaît, et en lui introduisant du bruit, c'est-à-dire un petit peu d'incident, on arrive à créer quelque chose qui n'est pas encore et qu'on rend possible. Alors, est-ce que vous pouvez me dire exactement quel est le titre de ce morceau ? Alors, ce morceau, c'est le 313FF946-3EA9DD9B. 84-92E2-27F82B4BC82. C'est une EP6, donc c'est les noms des morceaux qui sont donnés par des machines. En fait, c'est un projet qui s'appelle Capture et qui est un groupe de net rock. C'est-à-dire que j'ai essayé de créer avec un ami musicien, Olivier Allary, un groupe de rock tellement productif, tellement génératif que si vous téléchargez un morceau, il y en a déjà 10 autres qui sont créés, et donc d'accélérer la production pour dévaster la consommation. Comment est écrit ce morceau exactement ? Quels sont les instruments qu'on peut entendre ? En fin de compte, les instruments, c'est simplement des instruments MIDI, donc là, c'est des choses qui existent dans le commerce très facilement. Par contre, la composition, ça a été beaucoup plus compliqué, c'est des principes d'intelligence artificielle et de chaînes de Markov. En fin de compte, c'est des morceaux qui sont générés musicalement et au niveau aussi de la voix de synthèse par une machine, totalement, en se nourrissant de milliers, de centaines de milliers d'autres morceaux. Il va créer des nouveaux morceaux, dont certains sont peut-être assez intéressants, avec un goût vanille-fraise, et d'autres beaucoup moins, ils sont beaucoup plus dissonants. L'idée étant vraiment à ce moment-là de créer de la musique pop, de la musique tonale, et c'était très très compliqué à faire. Quelle base de données vous avez utilisée pour composer ces morceaux, et comment vous les avez sélectionnés ? Alors, quand on est sur plusieurs dizaines ou centaines de milliers de morceaux, on les sélectionne plus, hein, on les enregistre sur son disque dur. Donc, j'ai fait aucune sélection. J'ai juste cherché des bases de données de fichiers MIDI qui permettent d'avoir une description chiffrée des compositions. Et j'aimais bien cette idée de ne pas sélectionner les morceaux. Alors, j'ai sélectionné leur style, mais de tout prendre. Et ces morceaux sont un peu comme la mémoire de beaucoup de morceaux du XXe siècle. Et typiquement, il y a une émotion très particulière quand on est artiste et qu'on utilise ces systèmes génératifs. C'est qu'on voit le résultat et on est un peu ému comme un enfant qui jette des dés au hasard et qui jette une image au hasard et qui va avoir un résultat auquel il n'attendait pas. Et le fait d'être capable de produire des choses que nous n'avons pas prévues, c'est une émotion qu'en tant qu'artiste que j'apprécie énormément, beaucoup plus que de contrôler le résultat. Est-ce qu'il y a quand même des déceptions quand on s'attend à rien? Est-ce qu'on est toujours enthousiaste quand on regarde ce qu'on a créé malgré soi? Ah, il y a des immenses déceptions. Il y a le moment. Moi, j'ai toujours cette idée d'une machine qui générerait ma capture, qui générerait de la musique, qui génère de la musique. Et puis, à un moment, il y a le plus beau morceau de musique qui sort, mais il n'y a aucun témoin humain pour l'écouter. Et j'aime bien cette idée de peut-être que les plus belles choses, il n'y a aucun témoin humain pour les écouter, les voir. Est-ce que vous avez une œuvre qui vous aura plus marqué, peut-être par rapport à capture ou ce qui vous vient à l'esprit comme ça? Peut-être que je peux lire un extrait de justement ce projet que j'avais fait il y a quelques années sur les rêves. C'était un des premiers projets que j'avais fait avec de l'IA. Donc j'avais eu accès à une base de données développée à l'université de Santa Clara de, je crois, 200 000 ou 20 000 rêves. C'est 20 000 rêves qui ont été compilés par Adam Schneider et William Domoff qui m'ont donné ce fond-là de rêves, cette base de données. Et puis après, j'ai alimenté un réseau de neurones avec ça. Et voilà ce que génère la machine qui rêve nos rêves. Je pense que je sais pourquoi. Je pense qu'ils vont chercher des lits. Je sais que je n'aurai pas la table. Il y a un musicien, c'est une bonne nuit. Et nous préférons aller vers lui et prendre l'autre haut. Tous ensemble. La seule chose que je pense, c'est que la dernière vient un couple qui dit « Je pense que je pense que je dis non. » Je dis « Je pense que je peux voir la rue. » Et l'autre fille et un peu de gens. Et les stagiaires sont là. Je dis « Hé !» Elle dit que c'est un petit parc. Je vais à l'étage, l'escalier et le seul du dortoir qui est un peu plus petit. Je dois aller à la salle de bain. Et je vais aux toilettes. Je pense que j'étais un peu comme dans un parc ou quelque chose comme ça. Et la rue est un peu le palais de justice, je dis non. Je ne sais pas s'ils sont tous vieux pendant un moment et la rue est une sorte de parc dans la pièce. Et je pense que les gens sont là. Je pense que je pourrais commencer. Voilà quelques mots de ce projet d'écriture et on va y revenir avec vous, David Derimet de Grégory Chatonsky. J'aimerais un mot parce qu'on retrouve dans ce qu'on vient d'entendre dans cette lecture quelque chose de ce style qui est un style très IA qu'on va retrouver aussi dans One the Road, qui est le livre que vous avez publié, écrit également par une intelligence artificielle. Tout à fait. Et on entend là d'ailleurs ce que je trouve être moi les prémices d'une écriture par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire quelque chose quand même de très saccadé, quelque chose de très répétitif aussi, où on sent se construire les bases d'un langage. Là encore, les analogies avec le langage humain sont nombreuses. Ce qui va être intéressant plus tard, c'est de voir si l'intelligence artificielle peut se nourrir de ses propres productions pour optimiser et finalement monter les marches progressivement. Aujourd'hui, bien sûr, le moment de la bascule est advenu, on pourra en reparler, vis-à-vis de la surprise que peut provoquer l'écriture faite par une IA. Surprise aussi en termes de qualité et en termes d'émotion, c'est-à-dire que la lecture de ces textes-là peut générer d'authentiques émotions chez nous. Mais néanmoins, elles ont besoin de notre indulgence en termes de finesse, de profondeur et de nuance. Sauf à accepter cet aspect poétique, c'est-à-dire le fait qu'on n'est pas dans une narration classique, qu'on n'est pas dans une construction syntaxique avec un but narratif fictionnel, mais dans quelque chose de très oulipien finalement. Totalement. Et de fait, les parallèles avec la poésie conceptuelle, l'oulipo et les recherches en littérature sont très nombreuses. Néanmoins, dans nos trajectoires de lecteurs, il est quand même compliqué, même si on est très lecteur de ça, ce qui est mon cas par exemple, il est quand même compliqué de ne lire que ça. Et du coup, d'être dans uniquement cet environnement. Béatrice Joué-Prunel, votre réaction au reportage en règle générale ou au style, enfin, à ce que l'on vient d'entendre de Grégory Chatonsky? Je trouve paradoxalement peut-être que ce qui touche le plus dans les œuvres générées par intelligence artificielle, par réseau de neurones, ce sont les œuvres écrites ou auditives. Peut-être parce que c'est là que ça nous ressemble vraiment, parce que nous sommes des êtres qui parlent, qui pensent, pas nécessairement des êtres qui produisent des images. Et moi, ce qui me frappe, c'est que donc ça nous ressemble, donc ça génère de l'émotion. Et ce qui est assez fort aussi, et David, vous en parliez un petit peu, c'est que ça nous demande notre indulgence. C'est-à-dire que c'est une pensée ou des paroles qui sont fragiles, qui sont incomplètes, qui ressemblent aussi à la poésie surréaliste, qui sont très oniriques. Et peut-être que ça changera, j'espère, ou j'aimerais en tout cas, ça changera quelque chose dans l'art contemporain, la littérature contemporaine, qui sont deux mondes où tout est permis, mais où rien n'est pardonné. Et là, au contraire, on nous demande de pardonner quelque chose. Et ça nous rend peut-être plus humains, paradoxalement. Alors on va rester dans le domaine auditif, non pas pour entendre des textes, mais pour entendre de la musique. C'est un morceau justement produit par l'une des intelligences artificielles du projet de Grégory Chatonsky. Ça s'appelle Capture du projet Drive, écoutez. C'était l'inverse, c'était le titre du morceau Drive du projet Capture par Grégory Chatonsky, ce qu'on vient d'entendre et que nous entendons encore, donc un morceau composé par une intelligence artificielle, et c'est ce dont il est question tout au long de cette heure, l'imagination artificielle, l'intelligence artificielle artiste, on voit bien que les cadres ne sont pas encore très très clairs autour de cette définition. Nous en parlons avec Béatrice Joyeux-Prunel, qui est maîtresse de conférences en histoire de l'art contemporain à l'École Normale Supérieure, avec David Derry, qui est fondateur de Jean Boite Édition, qui publie One the Road, qui est le premier roman écrit par une intelligence artificielle, duquel nous allons parler dans quelques minutes. Mais comme tous les mercredis, aux alentours de 16h35, c'est l'heure de retrouver la recherche montre en main. Comme tous les mercredis, donc, nous recevons un étudiant en thèse qui vient nous présenter ses travaux de recherche. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Robin Champenois. Bonjour, bienvenue. Vous êtes en première année de thèse à l'École Normale Supérieure dans le programme doctoral de création-recherche Sacre de l'ED540 de Paris Sciences et Lettres et à l'École des Ponts ParisTech dans le laboratoire Imagine. Vous travaillez sur la génération automatique de carnets de voyage imaginaires à partir de données massives et de visions par ordinateur. Bienvenue donc dans la recherche montre en main, c'est à vous. Merci. Alors, ma thèse part du constat suivant. Pour voyager aujourd'hui, tout se passe ou peut se passer en ligne. Que ce soit le choix de la destination, des activités, la planification des déplacements et des nuitées ou le partage des photographies et de leur archivage, tout se fait via Internet, avant, pendant et après le voyage. Alors, pourquoi ne pas abandonner la réalité physique du processus et générer directement le carnet d'un voyage impossible ? Celui d'une intelligence artificielle, appelons-la GU11VR, Gulliver pour les intimes, voyageur immobile vers des destinations réelles ou imaginaires. Mon travail de doctorat consiste à développer les moyens techniques permettant de faire exister Gulliver et de le présenter au public. Son objectif est tout autant scientifique qu'artistique. Il y a d'une part la technique. Comment récolter des données, extraire ce qu'il y a à voir dans une ville ou un pays, et les ordonner, les traiter pour créer un récit d'exploration crédible. Comment générer un texte cohérent et intéressant à lire, choisir et fabriquer des photos qui illustrent ce voyage. Car quand je parle d'une intelligence artificielle qui voyage, il s'agira en pratique d'un assemblage d'opérations indépendantes et variées qui visent à donner l'illusion d'un tout cohérent. Certaines de ces opérations utiliseront des technologies assez bien maîtrisées. D'autres demanderont des recherches plus approfondies dans les domaines de la vision par ordinateur ou du traitement du langage naturel. Pour le traitement d'images, on utilise une méthode d'apprentissage statistique qui s'appelle les réseaux de neurones artificiels. Cela permet assez bien de reconnaître les éléments communs présents dans une image, comme un vélo, un chien ou une personne, ou même des monuments. De quoi s'agit-il ? C'est une suite d'opérations mathématiques élémentaires qui à la fin prédisent une étiquette, vélo, chien ou personne. Chaque opération est paramétrée par un ensemble de petits curseurs, des variables. On leur montre une image au réseau, on regarde l'étiquette qu'il prédit et on règle les curseurs pour qu'on se rapproche de la réponse qu'on attend. On répète ça sur des millions d'images différentes et à la fin on a bien réglé les curseurs et on sait reconnaître ce qu'il y a dedans. Ça c'est ce qui fonctionne bien, ça me sera utile comme point de départ pour choisir les images pertinentes pour le carnet. Le même principe a été adapté pour écrire du texte, mais dans ce domaine, cela fonctionne encore moins bien parce qu'on a du mal à contrôler de quoi va parler l'algorithme. Maintenant, un carnet de voyage, c'est intéressant quand ça plonge le lecteur dans une ambiance, un lieu. Un des éléments qui permet cela est d'avoir des textes qui se réfèrent à des images. Pas seulement une photo d'une rue au volet bleu, mais qu'il y ait décrit quelque part « J'ai marché dans une rue encadrée de maisons au volet bleu ». Ce qui implique d'une part de savoir reconnaître des volets bleus, ce que personne ne s'est vraiment fait apprendre à une machine jusqu'ici, mais aussi de lier les méthodes de lecture d'images à celle d'écriture de texte, qui est un domaine encore peu développé. Et il y a donc là matière à innover, et c'est tout l'objet de la recherche scientifique en intelligence artificielle que je mène au sein du laboratoire Imagine de l'école des Ponts ParisTech. Mais ce n'est pas tout. Ma thèse est surtout une thèse en création-recherche au sein d'un programme doctoral spécifique Sacre à l'École Normale Supérieure de Paris, rue d'Ulm. L'idée est de nourrir le travail scientifique d'une recherche artistique et réciproquement. À l'origine de ma recherche artistique, donc, il y a l'idée d'aller plus loin que ce qui se fait déjà sur l'art et l'IA, qui, pour l'instant, même s'il commence à y avoir des œuvres plus travaillées comme One the Road, reste assez circonscrit à des tâches précises. Générer des portraits, imiter une peinture. Je souhaite utiliser les possibilités offertes par l'IA et les combiner avec d'autres types de techniques pour créer quelque chose de plus profond, détaillé, où la technique n'est plus qu'un outil pour qui s'efface pour explorer, au sens propre, ce monde et bien d'autres. Mes recherches dans ces domaines n'en sont qu'à leur début, puisque j'ai commencé ma thèse il y a 2 mois. À terme, d'autres questions se poseront à propos de l'objet créé. Celles que vous avez évoquées, comme quelle est la valeur artistique d'une œuvre quand le procédé peut en créer à la demande des milliers de similaires, qui en est l'auteur ? Ou d'autres plus spécifiques à mon sujet. Quel regard portera ce personnage sur le monde qu'il explore ? Quelle sera notre réaction Face au récit de ce voyageur immobile, nous touchera-t-il, nous surprendra-t-il, nous mettra-t-il mal à l'aise? Peut-on introduire du subjectif dans une œuvre automatisée, ou plutôt, de quelle subjectivité s'agira-t-il? Je vais tenter d'aborder toutes ces questions et bien d'autres qui émergeront au cours de la création de Gulliver. Je vous donne donc rendez-vous dans quelques années pour rencontrer ce personnage et lire les aventures autour du monde. C'est un vaste programme qui est le vôtre, Robin Champelon. Merci beaucoup pour cette présentation. Une réaction peut-être l'un et l'autre, Béatrice Joué-Prunel, à ces travaux de recherche que vous supervisez partiellement. Oui, que je supervise partiellement. Donc pour moi, c'était aussi, j'attends beaucoup de savoir ce que Gulliver verra, ce qu'il ne verra pas aussi, et puis comment il les verra. J'attends de savoir si Gulliver sera réactionnaire, comme le sont les AI qu'utilise Grégory Chatonsky, comme il le disait tout à l'heure dans son interview, ou au contraire, s'il nous surprendra et il aura une sensibilité, vraiment une sensibilité qui nous paraîtra humaine. David Daimé. Ce que je trouve intéressant en écoutant, mais je suis très fasciné par ces recherches-là, mais alors évidemment, c'est tordu pour mon côté, mais à chaque fois, je le voyais en livre. Ce résultat. C'est-à-dire que je suis prêt à laisser la machine travailler comme ça, mais l'expression finale et la forme dans laquelle j'ai encore, en vous écoutant, envie de le découvrir, est une forme très physique en réalité. Je me vois mal scroller sur mon écran ou mon téléphone pour découvrir l'ensemble de ce carnet de voyage. Je me vois le feuilleter. C'est l'idée aussi de ma thèse, de justement aboutir à un carnet écrit et à un carnet publié peut-être, ou une infinité de carnets, mais d'avoir l'objet physique. Intéressant quand même. On goûtera le côté effectivement un peu paradoxal de vouloir incarner ces œuvres sur ce support antique qui est le livre papier avec une couverture dont on va parler maintenant, David Derrimès. Ce One the Road, donc sur la couverture, il y a marqué Writer of Writer Ross Goodwin. Alors peut-être un mot sur ce Ross Goodwin et ce statut qui est de Writer of Writer, écrivain d'écrivain, ça veut dire quoi? C'est issu d'une recherche et de confrontation pour le coup et de débats contradictoires authentiques au sein de la maison d'édition avec l'auteur, puisque notre première idée a été de faire signer le livre par la machine, qui avait été surnommée familièrement World Car, la voiture écrivante. Et en réalité, on s'est rendu compte que c'était pas du tout le bon message, parce que le faire était déjà mettre en place le remplacement de l'auteur par la machine, par exemple. Ce qui en réalité n'est pas non seulement pas ce que l'on fait, mais pas ce que fait non plus Ross Goodwin. Ross Goodwin a 35 ans, il a une relation au texte qui vient de longtemps, mais une relation très particulière. Il était la plume de Barack Obama pour la campagne de 2008, et puis la plume de John Kerry sur le premier mandat de Barack Obama. Donc une relation aussi à un texte, qui a une destination, un texte, une dimension utile du texte. À côté de ça, un grand génie du code et du chiffrage et de la création de neurones artificiels. Ce qu'a fait Ross Goodwin, c'est construire et entraîner pendant des années un réseau de neurones artificiels. Il l'a nourri exclusivement à la littérature en anglais. Littérature et poésie en anglais. Et une fois que cette intelligence artificielle a été suffisamment mûre, il a eu cette idée très brillante de l'installer dans une voiture, de mettre l'ordinateur dans une voiture, et à l'extérieur de la voiture, d'installer une caméra, un microphone, un GPS, une horloge, connectée donc à cette machine, devenant ainsi les éléments de perception, connaissance, de perception du monde de cette machine, et de refaire une des routes de Jack Kerouac de On the Road, qui va de New York à la Nouvelle-Orléans, laissant cette fois-ci la machine écrire, et du coup en utilisant la voiture, c'est lui qui le dit, comme un stylo. Voilà un petit peu la démarche, en tout cas telle qu'elle a été conçue. En sachant qu'il l'avait nourri d'un certain nombre d'œuvres, dont évidemment celle de Kerouac, mais pas uniquement. Pas uniquement, d'ailleurs il ne nous dit pas, même nous, de quelles œuvres il l'a nourri. D'abord il y en a beaucoup. Il y en a quand même plusieurs centaines. Et puis par ailleurs, ça pose des tas de questions qui ici sont moins pertinentes, parce que on suppose que la machine finalement va piocher dans les œuvres, ce qui en fait n'est pas le cas. Elle les utilise comme un magma en réalité de texte à partir duquel reconstruire des phrases et en tout cas une façon d'énoncer le monde qu'elle perçoit. Du coup, le corpus lui-même, on ne le connaît pas, et finalement, c'est pas le plus pertinent ici. Peut-être qu'on peut commencer par lire un peu. Je trouve les premières phrases. Alors, il faut peut-être, avant de commencer à lire, préciser, dire un mot sur la forme, parce qu'il ne s'agit pas d'un roman au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'une narration avec un début, un milieu, une fin, une intrigue. Il s'agit de petits chapitres, qu'on pourrait comparer presque à de la poésie en prose, à des espèces de sensations, d'impressions qui sont comme ça couchées sur le papier, qui sont très proches effectivement du style de la Beat Generation. Est-ce que vous pouvez nous préciser un peu comment se présente en fait Wonder Road. Vous l'avez dit, ce sont plutôt des séquences assez courtes. Cependant, la machine, de façon assez curieuse, a quand même construit quelques arches narratives à l'intérieur du livre en inventant par exemple des personnages qui apparaissent à intervalles réguliers. On ne sait pas tellement d'où ils viennent ni ce qu'ils font là, mais ils interviennent comme des sortes de personnalités récurrentes. Dès la première page, elle convoque, dès la troisième ligne même, elle convoque un personnage qu'elle appelle The Painter, et ce peintre va revenir au long du récit et quelque part quand même créer de véritables arches narratives et en tout cas nous installer dans un récit suivi et tenu. En revanche, en effet, il n'y a pas d'intrigue au sens où on projetterait une intrigue avec des nœuds dramatiques ou des choses comme ça. Là où c'est très intéressant, c'est que ce n'est pas non plus uniquement contemplatif. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des descriptions de nuages assez invraisemblables et des choses comme ça très oniriques, mais pas seulement. Il y a aussi des états d'âme qui apparaissent et qui, là encore, nous surprennent. C'est d'ailleurs nous ce qui nous a particulièrement bouleversés quand nous avons rencontré Ross Goodwin. À ce moment-là, le voyage était terminé. Il nous a montré ce manuscrit dont qui avait été écrit par cette machine. Et dès les deux premières phrases de la machine, on s'est dit, là, il y a la matière à plonger. Et c'est vraiment la première fois aussi qu'on est surpris, qu'on lit quelque chose. Parce qu'effectivement, vous l'avez dit, les machines à qui on demande de produire du texte, ça existe depuis très très longtemps. On aurait pu jusqu'ici prédire à peu près tout ce que ces machines étaient en mesure de faire. L'imprédictibilité et la qualité, en tant que lecteur, si vous voulez, on lit les deux premières phrases juste pour se mettre dedans. La voiture démarre, ça aussi c'est très intéressant. Toutes les phrases aussi ont une heure parce que la machine écrit à un certain moment et on ne sait pas quand elle écrit. Parfois il se passe 10 secondes entre deux phrases, parfois il se passe 30 minutes. Et finalement ce qui définit cet intervalle, c'est tout à fait inconnu. Donc sur des questions d'autorité, d'auteur, d'inspiration, de déclenchement de ces sensations, ça on est encore dans le flou, ça les rend aussi très belles. Donc par exemple, il démarre la voiture à New York. Juste préciser deux choses avant de lire le début. Il y a effectivement donc un paragraphe avec toujours sur la gauche la date, sur la droite, dans une marge de droite, l'heure exacte à laquelle le texte est donc imprimé en direct dans la voiture. Et puis préciser aussi que de temps en temps, ça n'est pas du texte qui sort, mais ce sont des espèces de d'images, mais avec des caractères. Donc pour s'approprier le flux, la machine a produit ce qu'on appelle du ASCII, c'est-à-dire de la production d'images faites de petits caractères. C'est quelque chose qu'on retrouve beaucoup sur Internet, c'est-à-dire on a besoin d'être assez loin pour voir apparaître l'image. En réalité, c'est ce que voit la caméra transcrit en petits caractères par la machine, ce qui est sa meilleure façon à elle de le comprendre. Néanmoins, elle y projette, comme on l'écoutait pour la thèse, elle y projette des petites étiquettes. C'est-à-dire qu'elle sait reconnaître un nuage, un arbre, un lampadaire, un panneau publicitaire, une personne sur la route. Et donc, c'est aussi ça qui va l'aider. Mais cette petite étiquette n'est attribuée non pas sur l'image d'origine, mais sur sa version recomposée en petits caractères, en ASCII. Alors, je vous laisse lire ces premiers paragraphes qui, moi me séduisent assez. Je dois dire, j'aime bien cette espèce de style un peu abrupt et un peu poétique. Moi aussi beaucoup. Donc, la voiture démarre à 9h, à 9h17, voilà ce qu'elle dit. It was 9:17 in the morning and the house was heavy. Donc il était 9h17 de la matinée et la maison était lourde. Voilà. À 9h53, bien plus tard, it was 7 minutes to 10 o'clock in the morning and it was the only good thing that had happened. Donc il était 10h-7 sur l'horloge dans la matinée et c'était la seule bonne chose qui soit arrivée. Et la dernière, comme la troisième phrase, what is it? The painter asked. Qu'est-ce que c'est? Demande le peintre. Quelques secondes après la précédente cette fois, et non pas 30 minutes. Donc il y a un phénomène comme ça de lecture où, évidemment, moi j'ai commencé à lire le manuscrit, on commence à lire pour des raisons techniques, bien sûr, on se dit tiens, là c'est écrit par une machine, et que tout de même au bout d'un certain moment, si on a à la fois cette relative indulgence dont on a parlé, mais aussi ce goût quand même pour une poésie, il y a de la poésie surréaliste, il y a de la poésie conceptuelle, il y a des recherches en Oulipo, si on dans ce goût-là, ça nous happe un petit peu. Et ça nous a paru former la matière de production d'un véritable livre, dans la forme la plus traditionnelle du livre, qui est une technologie quand même extraordinairement stable, le codex tel qu'on le connaît, pour incarner ce moment de bascule qui nous a semblé être vraiment ce texte-là. Béatrice Joyeux-Prunel, qu'est-ce que ça vous évoque, cette expérience littéraire ? Je suis d'accord, je trouve le texte très beau et l'aventure aussi très très touchante. Alors moi, ce que je me posais plutôt des questions, surtout en fait, la manière dont Ross Goodwin a fonctionné, c'est pas uniquement de nourrir la machine avec des textes, il la nourrit aussi avec l'espace et le temps. Tout à fait. Voilà. Et là, il y a quelque chose qui échappe et qui en même temps est très incarné finalement, et qui je trouve dépasse les productions habituelles des AI si on fait juste travailler l'AI sur une base de données quelconque. Tout à fait, il le dit très bien lui-même, en utilisant la voiture comme un stylo, il était important de conduire la voiture, et c'est-à-dire d'entraîner la voiture aux endroits que lui projetait, la laissant écrire absolument ce qu'elle veut, mais en l'utilisant. C'est-à-dire la voiture et l'intelligence artificielle qu'elle embarque restent des outils ici, des outils au service de Ross Goodwin, d'où le writer of writer. Il était en fait important de remettre au centre du jeu l'auteur de l'auteur, qui à la fois a écrit l'intelligence artificielle et qui a aussi guidé la voiture. Robin Champenois, qu'est-ce que ça vous évoque ? Alors, moi, quand j'ai entendu parler du livre, je me suis dit, mince, quelqu'un a fait ma thèse. Oui, parce que c'était un récit de voyage particulièrement. Voilà. Donc, c'est assez amusant que, quelque part, le premier récit qui soit publié soit justement un récit de voyage. Après, je trouve assez intéressant la démarche, qui quand même s'éloigne assez de la mienne, donc je peux continuer à faire ma thèse. Tout va bien. Tout va bien. Vos travaux sont saufs. Oui. Et j'ai pas encore pu lire le texte, mais clairement c'est quelque chose auquel il va falloir que je m'attarde. On est très loin d'un travail académique, c'est-à-dire qu'ici il faut assumer une subjectivité totale qui ne répond à aucune question, c'est-à-dire c'est aussi l'enjeu de l'ouvrage n'est absolument pas de venir expliquer ou être la narration de ce qui se joue avec l'intelligence artificielle. En revanche, de pouvoir produire un objet qui soit un objet de désir, qui soit un objet de plaisir aussi à lire, qui embarque ces questions, nous a paru extrêmement intéressant. Ce qui nous a paru intéressant aussi, c'est qu'il est enraciné dans plusieurs traditions, le road trip américain, la beat generation comme tradition littéraire, Kerouac, tout ça nous permettait aussi d'accrocher ce manuscrit un peu déroutant, tout à fait nouveau, à des racines plus solides. Mais on voit bien que pour ce qui est de l'écriture, ça marche sur la Beat Generation de Kerouac parce que c'est un style particulier, parce que c'est un style empreint de poésie, donc que ça adopte des codes qui sont des codes qui sont relativement faciles à reproduire pour l'intelligence artificielle. On imagine qu'en France, on pourrait facilement faire une Duras Box ou quelque chose qui ressemble à ces styles, qui sont des styles très poétiques et qui lâchent prise avec la narration traditionnelle. On aurait beaucoup plus de mal, par exemple, à programmer une intelligence artificielle à faire du à la manière de Balzac, Béatrice et Prunelle. Probablement, d'autant plus que Balzac, il a ses personnages, il parle d'une société donnée, et je vois mal comment on pourrait nourrir une intelligence artificielle avec toute la sociologie d'une époque telle qu'elle est vue par un personnage. Et en même temps, c'est pas plus mal non plus. Ce qu'on attend de l'art, c'est de la poésie, c'est un décentrement. Aujourd'hui, un roman très structuré, très narratif, comme ceux de Balzac, on n'attend pas les mêmes choses. Et donc, alors peut-être qu'il y a des auteurs qui s'essaieront à faire du Balzac, à écrire du Balzac avec une AI. Pourquoi pas, j'aimerais voir ce que ça donnera, ce sera intéressant. Est-ce que c'est une question de temps, de puissance des machines ? Est-ce qu'on va finir par arriver à un niveau de complexité en termes de calcul, en termes d'implémentation qui va permettre de faire une recherche du temps perdu numérique, de composer un opéra, c'est-à-dire de composer des ensembles qui ne soient pas que fragmentaires, que légèrement décalés, auxquels on demande une indulgence, ou est-ce que c'est la nature même de ce style de l'intelligence artificielle de créer ce type de formes qui sont des formes que nous jugeons humains, poétiques et un peu oulipiennes. C'est difficile à dire, mais il est quand même très probable que ce soit une forme transitoire. C'est-à-dire que là, on s'y intéresse à cet état de l'instant. Les recherches vont se poursuivre. Je pense qu'on va rapidement être en mesure d'avoir des textes très construits, des romans, éventuellement balzaciens. La question, c'est toujours la question aussi de qui va les regarder et de comment nous allons les sélectionner et comment nous allons les mettre en parallèle de tout le reste de la production, tout le reste de la création. Et là, ça va être beaucoup plus difficile pour les intelligences artificielles. C'est-à-dire que tout de suite, on est un peu ébahi par ces nouveautés, ce que ça bascule, ce que ça dit, ce que ça nous fait poser comme questions, qui sont les questions de l'heure qui vient de passer sur la création. En revanche, lorsque on aura abouti des possibilités de produire des romans, quelle place ils auront à côté des autres romans, qui les éditera et qui les lira, ça, c'est moins gagné. C'est une bonne question. Quelle place pour ces œuvres finalement? Parce que on voit que sur Christie's, on est sur un effet d'emballement médiatique, mais que une fois le premier tableau vendu, une fois cet emballement passé, on va revenir vers une forme de normalité. Idem pour la littérature. Comment s'appelle-t-il? François Pachet qui disait dans le magazine qu'on aime beaucoup, Uzbek Erika, une IA ne sait pas encore composer un morceau qui va changer la vie parce que pour le moment, ce sont des tentatives. Est-ce que finalement on est un peu à l'affleurement, à l'écume de l'histoire de l'art, c'est-à-dire sur un phénomène qui est un phénomène qui va passer, qui va retourner finalement d'où il vient, ou est-ce qu'au contraire on est plutôt sur une sorte de phénomène émergent qui peut encore gagner en ampleur, en densité, en complexité, selon vous, Béatrice Louis-Prunel? D'un point de vue historien, il est clair que les innovations, même celles qui ont été techniques, finalement, on retient surtout le nom de la personne. On retient, par exemple, que Nicolas Schoeffer a fait des œuvres avec des machines, et on se fiche presque du nom de l'œuvre qui s'appelait du nom de l'œuvre CISP, voilà, faite avec une machine, ou de la manière dont elle était et dont elle était faite. Donc peut-être que ce qui restera, certainement, ce sont les noms de ces personnes qui ont fait des choses avec de l'AI. Si on doit s'attendre à avoir des œuvres extrêmement, extrêmement complètes, avec des unités de sens aussi fortes que celles, par exemple, du roman de Balzac, comme vous le preniez tout à l'heure, j'aurais tendance à dire plutôt, moi, la question que je poserais, c'est plutôt quel est le sens pour l'auteur, pour l'artiste qui va nourrir les machines et qui va faire des choix. Il n'est pas sûr que ça lui prenne moins de temps de faire du travail avec une AI que d'écrire son roman gentiment à ses soirées libres, parce que ça, on a oublié de le dire, mais l'AI, ça prend énormément de temps à faire. Oui, un dernier mot, en un mot. Juste un dernier mot, ce que ça m'évoque sur le changement, c'est l'apparition d'une nouvelle technique aussi puissante, en revanche, risque effectivement de bousculer les trajectoires établies de la production de littérature, mais même de la production picturale. L'apparition de l'appareil photo a bouleversé la production picturale, elle ne l'a bien sûr pas arrêté, mais c'est la question de la trajectoire qui est posée ici. Voilà, bien, c'est de la question de la trajectoire sur laquelle nous terminerons. Merci beaucoup en tout cas à tous les trois. Merci Béatrice Joyeux-Prunel, merci Robin Champenois d'être venu nous présenter vos travaux. Merci David Derimet, je rappelle One the Road, ce premier roman, ce first Gonzo Artificial Neural Network. Je vous ai même pas posé la question de la traduction que je voulais vous poser, pourquoi l'avoir publié en anglais. Eh bien voilà, c'est comme ça que vous l'achèterez, c'est comme ça que vous pouvez le trouver en tout cas dans vos librairies. C'est assez passionnant en tout cas intellectuellement. Merci beaucoup à toute l'équipe de la méthode scientifique, Tom Hindenstock, Eve Etienne, Céline Lozen, Noémie Naguet de Saint-Vulfran, Antoine Beauchamp, Olivier Bétard à la réalisation, Amine Elmansari à la technique. Demain, un mot rapide pour vous dire que nous reviendrons sur la vie de l'homme à la lunette, celui qui proposait d'adopter le modèle héliocentrique de Copernic. On vous raconte l'histoire de Galilée demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.